الوحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الكرام وبعد. الجمعه الماضيه تحدثنا عن ما حصل بعد غزوة أحد، وانتهينا من ذكر غزوة بني النضير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة، فطائفة منهم ذهبوا إلى خيبر، وطائفة منهم إلى الشام. وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجهم من خيبر فالتحقوا بأصحابهم في الشام، فاجتمعوا جميعا في الشام. La semaine passée, nous avons parlé de des événements qui se sont déroulés après la bataille de Uhud. Et nous sommes arrêtés sur la ghazwa de Banu Nadir. Et au final, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a expulsés de Al-Madina. Une partie d'entre eux, une partie d'entre eux est allée à Khaybar et l'autre partie au Sham. Puis à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il les a fait sortir de Khaybar. Ils se sont donc dirigés vers Al-Sham. Donc l'ensemble des gens de Banu Nadir étaient au final, ou bien fut au final, Al-Sham. واليوم أو الليلة نتحدث عن غزوة بدر الصغرى ويقال لها الموعد وكذا الثانية وآخرون قالوا الآخرة. Donc nous allons parler ce soir, inshallah ta'ala, de Ghazwat Badr As-Sughra, donc de la bataille de Badr, de la petite bataille de Badr. Elle est surnommée Ghazwat Badr As-Sughra, la petite. On l'appelle également Al-Maw'id, la revanche. La revanche. On l'appelle également Thaniya, la deuxième bataille de Badr. On l'appelle aussi, et finalement, Al-Akhira, la dernière bataille de Badr. Al-Sughra, Al-Maw'id, Al-Thaniya, Al-Akhira sont tous des noms et des appellations de cette bataille. Wa kanat fi shahri Sha'ban fi sanati al-Rabi'a ba'da al-Hijra. Quand est-ce qu'a eu lieu cette ghazwa? Elle a eu lieu en l'an 4 après l'Hijr, durant le mois de Sha'ban, en l'an 4 de l'Hijr, durant le mois de Sha'ban. Elle a donc eu lieu après Ghazwatu Bani Nadir. Elle a donc eu lieu après Ghazwatu Bani Nadir. Quelle est la cause de Ghazwatu Badr As-Sughra? Quelle est la cause de la petite bataille de Badr? Ba'da ghazwati Uhud, Abu Sufyan wa kana sayyidahum radiyallahu anhu tawa'ada an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wal muslimin wa a'tahum maw'idan في وقت كذا وكذا سنرجع إليكم ونصنع بكم كذا وكذا. La cause de Ghazwat Badr al-Sughra est qu'après la bataille de Uhud, Abu Sufyan radiallahu anhu avait menacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Il leur avait donné rendez-vous à l'année prochaine pour la revanche dans un temps et un moment précis et déterminé. فلما جاء هذا الزمان خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم والمسلمون. Donc lorsque ce moment est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva une armée et se rendit donc à ce lieu de rendez-vous. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول أي ابن رأس المنافقين وكان مؤمنا تقيا رضي الله عنه ووالده رأس النفاق عياذا بالله فسبحان من يخرج الحي من الميت. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva son armée pour se rendre au lieu de rendez-vous, il laissa à la charge Mada, ou bien il laissa en tant que responsable à Al-Madina, Abdallah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Salul. Comment se prénomme le chef des hypocrites? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et comment se prénomme son fils? Abdullah également. Abdullah ibn Ubay ibn Salul est la tête des hypocrites. Il a un fils qui se prénomme également Abdullah. Il a un fils qui se prénomme également Abdullah. Si ce n'est que son fils, lui, faisait partie des croyants pieux, radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis à la tête des gens de Médine en son absence. Il l'a mis en tant que responsable en son absence. Exempté soit Allah Azza wa Jal de tout défaut, celui qui fait sortir le vivant du mort. Subhanallah, la tête des hypocrites, et tu trouves dans sa descendance un parmi Sahaba, parmi les plus pieux croyants. فلا يضر الرجل أن يكون والده مشركا أو منافقا أو يعني إلى غير ذلك. فالشأن كل شأن يعني عقيدتك أنت وأقوالك أنت وأفعالك أنت. نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Donc ce qui fait la personne, ça n'est pas son père. Ce qui fait la personne, ce n'est pas son enfant. C'est sa croyance, c'est ses actions, ses paroles et ce sur quoi il est lui. Même si le père est égaré, même si le père est dans le nifaq ou le kufr, ce qui prime, c'est la personne elle-même. Ce qui vaut chez Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui sera pesé chez Allah, c'est la personne elle-même, yani ce qu'elle a fait. Donc cet enfant-là était sur le tawhid, il était avec les croyants sincères, et ça ne lui a pas nui d'avoir pour père la tête des hypocrites. Et tu ne peux blâmer une personne de par ce que ses parents ont fait. Tu ne peux blâmer une personne de par, yani, ce que son père a fait tant qu'il craint Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec 1500 hommes parmi les sahaba radiallahu anhum. Et il s'est donc rendu à Badr. Et il attendait donc à cet endroit-là Abu Sufyan radiallahu anhu et Quraysh. فخرج أبو سفيان من مكة رضي الله عنه حتى بلغ الظهران ثم فكر في أمر وأمر قومه وحصل على أي نتيجة على أن الأفضل هو الرجوع إلى مكة وعدم ماذا القتال في هذا الوقت. Abu Sufyan radiallahu anhu, lui aussi a levé son armée, les gens de Quraysh, et il est sorti vers Badr. Arrivé à un endroit qu'on appelle Al-Zahran, il a médité sur la situation et a réfléchi sur la situation de, yani sur son cas et son peuple. Et la finalité, et qu'il a dit, nous allons rentrer à Mecca, car ce moment n'est pas propice au combat. Ce moment n'est pas propice au combat. Et il a dit à Quraysh que c'est une année de disette, ou bien il n'y a pas eu beaucoup de pluie, et vous avez besoin pour cette rencontre de culture, vous avez besoin pour cette rencontre de boire du lait, de vous renforcer. Et il a cité d'autres choses. Alors ils sont donc retournés à Mecca. Entre-temps, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se prénomme Ma'ashi ibn Amr. Ma'ashi ibn Amr al-Dhamri. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui attendait à Badr. Et lui a dit, ô Muhammad, es-tu venu pour la rencontre avec Quraysh? Tu es venu pour le rendez-vous et la revanche avec Quraysh? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Puis, suite à une discussion, hasala baynahum attifaq, ils se sont entendus et se sont arrangés comme un pacte de non-agression. Comme un pacte de non-agression avec cette personne et sa tribu. Hasala khayr. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ثمانية أيام. Le prophète صلى الله عليه وسلم a attendu à Badr un peu plus d'une semaine, 8 jours. Puis il est rentré à Al-Madinah صلى الله عليه وسلم. Il n'y a donc pas eu de combat ni de rencontre avec Quraysh. هذه القصة ذكرها كثير من أهل السير إلا أنهم لم يذكروا لها سندا. Donc beaucoup parmi ceux qui racontent les histoires du prophète عليه الصلاة والسلام et sa biographie ont cité غزوة بدر الصغرى, si ce n'est qu'on ne trouve pas de chaîne de transmission à cette histoire. Malgré cela, elle est très répandue dans les livres de Sira. بعدها غزوة أخرى اسمها غزوة بني مصطلق. بعدها غزوة أخرى اسمها غزوة بني مصطلق. Après cette غزوة, il y a une autre غزوة qui se nomme غزوة بني مصطلق. Et Mustaliq, ou plutôt cette razwa, était appelée ainsi, Nisbatan ila hadhihi al-qabila, en référence à cette tribu, Bani Mustaliq. Elle a un autre nom, cette razwa a un autre nom, en plus de Bani Mustaliq. On l'appelle Razwatu al-Muraysi'. On l'appelle également Razwatu al-Muraysi'. Et cela en référence à un coin d'eau de cette tribu. Cela en référence à un coin d'eau de Bani Khuza'a. Parce que Bani Mustaliq, c'est une tribu. Bani Mustaliq est une tribu min butuni Khuza'a wa asluha qahtaniya ay min qaba'il al-Yaman wa nasabuhum أو نسب الأنصار الأوس والخزرج يرجع إلى نسبهم إلى نسبهم. بنو مصطلق est une des tribus qui revient à la base à Khuza'a, et ils font partie donc de ماذا القحطانية, les Arabes de base du Yémen. Ils ont donc un lien de parenté avec les tribus de l'Aus et le Khazraj, les gens de Al-Madina. Ils ont yani leur généalogie s'entrecroise avec celle de l'Aus ou Al-Khazraj dans l'un de leurs grands-parents qui se prénomme Amr ibn Amir. Amr ibn Amir. Ils habitaient un endroit qu'on appelle Hudayd. Ils habitaient un endroit qu'on appelle Qudayd. Et Qudayd est à plus de 100 km de Mecca. À plus de 100 km ou 120 km de Mecca. Et l'endroit de Qudayd était très particulier. Du fait que c'était l'axe principal pour accéder à Mecca. C'était un axe principal, leur ville, leur endroit, leur tribu était situé sur un axe principal qui menait à la ville de Mecca. Et ces gens-là, de Banu Khuza'a, respectaient grandement Quraysh. Pourquoi ? Car ils étaient les habitants du Haram. Ils étaient les habitants du territoire sacré et ceux qui géraient Al-Masjid Al-Haram. Ils les respectaient donc et faisaient des affaires ensemble. Et ils avaient des alliances. Et ils se rendaient mutuellement des services. Amma asbabu hadil ghazwa. Quant aux causes de cette bataille, de cette expédition, il y en a plusieurs. La première, li annahum ayyadu quraishan fi ghazwati uhud wa anḍammat ila qabilatiha. La première cause est que Banu Mustaliq fait partie des tribus qui se sont ralliées à Quraysh lors de la bataille de Uhud. Quraysh a encouragé les différentes tribus à s'allier à elles pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud. Certaines ont répondu à son appel et d'autres non. Parmi les tribus ayant répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'appel de Quraysh, il y a eu Bani Mustaliq. Donc ça c'est la première cause. Ils ont participé à la bataille de Uhud et ils se sont liés avec Quraysh contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième cause est qu'ils dirigeaient et géraient le chemin qui menait à Mecca. Ils étaient donc comme un rempart et une protection pour Quraysh. Ils étaient donc tel un rempart et une protection pour Quraysh. Et la dernière cause qu'on cite ici est qu'à la suite de la bataille de Uhud, بعد غزوة أحد طمعت بعض القبائل في المدينة وظنت أنها قد ضعفت وكسرت شوكتها ومن هذه القبائل بني مصطلق. Aussi, parmi les causes, il y a le fait que Banu Mustaliq, ou plutôt certaines tribus, convoitisaient Al-Madina. Suite à la bataille de Uhud, ils ont pensé que les croyants de Al-Madina avaient faibli et que c'était une terre désormais à prendre et qu'on pouvait facilement s'en emparer. Donc Banu Mustaliq ont commencé à appeler du monde, à réunir leurs hommes, à s'armer et à faire appel aux différentes tribus. Pour quelle raison ? Pour attaquer Al-Madina. Pour attaquer Al-Madina. Ils se sont donc préparés à se rendre à Al-Madina et attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Leur chef, leur dirigeant, le dirigeant de Banu Mustaliq, leur gouverneur, se prénomme Al-Harith. Il se prénomme Al-Harith ibn Abi Dirar. Al-Harith ibn Abi Ad-Dirar. Ou plutôt ibn Abi Dirar. Qui c'est? C'est le père de qui? De qui est-ce le père? Al-Harith ibn Ad-Dirar. Et le père d'une personne très connue. Je vous donne un autre indice. Une femme. Non. Là. خديجة السنام خديجة بنت خويلد، ها بنت خويلد. Je vous donne un autre indice. Dans l'assise, نعم, dans l'assise, certains l'ont pour mère. Dans l'assise, certains l'ont pour mère. Tu as la réponse? Comment? Tu dis que c'est le père de sa fille? Comment? Comment? Là. Poursuivons le cours. Donc, Zaïmuhum ismul Harith ibn Abi Dirar. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا. Donc est parvenu au prophète صلى الله عليه وسلم que Banu Mustaliq était en train de se préparer pour venir à Al-Madina, s'emparer de Al-Madina. Qu'a-t-il fait صلى الله عليه وسلم? أرسل بريدة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بريدة بن ابن الحصين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé chez Bani Mustaliq un sahabi qui se prénomme Buraïda ibn al-Husayb al-Husayb al-Aslami afin qu'il qu'il se rende chez eux et prenne les informations et vérifie l'authenticité de celle-ci. Donc Buraïda radiallahu anhu s'est rendu chez Khuza'a et il les a donc rencontrés. Lorsqu'ils l'ont vu, ils lui ont dit Man al-Rajul, il est étranger par rapport à eux. Ils lui ont demandé qui es-tu? Il a répondu Ana minkum, je suis l'un des vôtres. Je suis l'un des vôtres. Et je vous suis venu car j'ai entendu dire que vous vous prépariez contre cet homme. Et moi-même j'ai ma tribu et je partage votre opinion et je partage votre avis. Et lorsque vous irez, je partagerai votre action, je serai avec vous. Donc Buraïda est venu et s'est fait passer pour un des leurs. Il est venu chez Bani Mustaliq et s'est fait passer pour un des leurs et leur a dit qu'il leur est venu car il a eu connaissance de ce qu'il préparait. Il réunissait des hommes, il réunissait des armes afin d'attaquer Al-Madina. Alors Al-Harith s'est réjoui. En entendant cela, il s'est réjoui car l'un de ses buts du moment était de réunir le plus de monde, le plus de monde possible. Puis, Buraïda radiallahu anhu lui a dit, je vais donc repartir auprès des miens et je reviendrai à nouveau. Alors Al-Harith lui a dit de ne pas tarder dans cela. Il lui a dit de s'empresser de revenir avec ses hommes. Mais en réalité, Buraïda radiallahu anhu est revenu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a transmis l'ensemble des informations. Rapidement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir transmis cela aux compagnons, a levé une armée et ils se sont dépêchés de se rendre chez Bani Mustaliq. Se sont dépêchés de se rendre chez Bani Mustaliq. Donc voici les causes et voici les prémices de cela. Quant à ces détails, même s'ils ont été cités par Ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala, il n'y a pas de chaîne de. Certains savants disent il n'y a pas de chaîne de transmission lorsqu'il a cité cela. La question suivante, mata hasalat hadhihi al-ghazwa? Quand est-ce qu'a eu lieu cette ghazwa, cette expédition? Ikhtalafa ahlul 'ilm fi waqt hadhihi al-ghazwa ikhtilafan kabira. Les savants grandement divergé quant à la date de cette expédition. Fa hasalat fi as-sanati al-khamisa. Ou قبل ذلك نقول حصلت في شهر شعبان. Premièrement, le mois, vu qu'ils sont d'accord sur cela, cette expédition a eu lieu durant le mois de Sha'ban. Cette expédition a eu lieu durant le mois de Sha'ban. Amma sana, ikhtalafu fiha ikhtilafan kabira. Quant à l'année de cette bataille, les savants ont grandement divergé. Laqad hasalat fi as-sanati al-khamisa. Elle a eu lieu en l'an 5 après al-Hijra. Elle a eu lieu en l'an 5 après al-Hijra. Fa illa kathirun min ahli al-'ilm qalu inna ghazwat bani Mustaliq hasalat fi as-sanati as-sadisa. Donc l'expédition de Banu Mustaliq a eu lieu en l'an 5 après l'Égypte. Mais il faut savoir qu'un grand nombre de personnes de science ont dit qu'elle a eu lieu en l'an 6. Qu'elle a eu lieu en l'an 6. Donc, elle a eu lieu en l'an 5. Avant quelle grande bataille? Peu avant une grande bataille, laquelle? Al-Ahzab, Ahsant, Jazakallahu Khayra. Elle a eu lieu en l'an 5, peu avant Ghazwatul Ahzab. On verra, Inch'Allah Ta'ala, prochainement. Et Ghazwatul Ahzab a eu lieu durant quel mois? Ghazwatul Ahzab a eu lieu durant quel mois? Ghazwat Banu Mustaliq a eu lieu durant quel mois? On a dit Sha'ban. Naam, Sha'ban. Ghazwatul Ahzab a eu lieu durant le mois de Shawwal. Ghazwatul Ahzab a eu lieu durant le mois de Shawwal. Qu'est-ce qui a poussé les savants qui ont dit que cette bataille ou cette expédition a lieu en l'an 5 à dire cela? C'est-à-dire à ne pas dire comme beaucoup qu'elle a eu lieu en l'an 6. Mais ils ont plutôt dit qu'elle a eu lieu en l'an 5. Et une des fa'idas d'étudier al-sirah et al-tariq, c'est la connaissance des événements. Et étudier al-sirah t'aide à connaître l'ordre chronologique des événements. Et aussi à pouvoir dire si telle information est authentique ou si elle ne l'est pas. Ici, par exemple, le fait de dire que Ghazwatu Bani Mustaliq a eu lieu en l'an 5 a pour preuve l'histoire, a pour preuve Assira. Quelle est cette preuve? C'est que Ghazwatu Bani Mustaliq a eu lieu un peu avant Hadithatul Ifk. A eu lieu un peu avant Hadithatul Ifk. Donc, Hadithatul Ifk, c'est l'histoire de la calomnie à l'égard de Aïcha radiallahu anha. C'est ce qu'on appelle Hadithatul Ifk. Un des prochains cours, Inch'Allah Ta'ala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, il y a eu Ghazwatu Bani Mustaliq. Peu de temps après, il y a eu Hadithatul Ifk. Na'am. Et dans Hadithatul Ifk, dans l'histoire de Hadithatul Ifk, on nous rapporte de manière authentique, dans le Bukhari, ou dans le Bukhari et Muslim, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette fitna, est monté sur le minbar, et qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Man ya'dhuruni fi rajulin balagha adahu fi ahli bayti. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et a dit « Qu'est-ce qui va me débarrasser d'une personne qui m'a nui au point de nuire aux femmes de ma famille ?» Allahu Akbar. Ils nuisent au prophète sallallahu alayhi wa sallam au point d'avoir parlé dans son honneur et d'avoir parlé sur les gens de son foyer. « Wa hunna tahirat » المؤمنات الصالحات وأزواجهم أمهاتهم. Alors quelles sont ces femmes pures? Alors quelles sont les épouses de la meilleure créature sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses fi dunya wal akhirah? Alors que c'est la fille du meilleur des hommes, alors qu'elle n'a connu que l'islam et jamais son front ne s'est posé devant une idole, elle n'a connu que la chasteté, la piété, les nobles caractères, et elle n'a jamais vu ses parents si ce n'est dans tawhid. Elle n'a jamais vu ses parents si ce n'est dans tawhid. Son père est un sahabi, son frère est un sahabi, son grand-père est un sahabi. Ils sont tous entrés en islam, radiallahu anhu. Et c'est la meilleure des familles qui a secouru l'islam et les musulmans. À commencer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, les hypocrites n'ont pas épargné cette femme pure, cette femme pieuse. Et ils n'ont pas épargné l'honneur de la meilleure des créatures sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, qui est-ce qui s'est levé et a dit « Ana ya Rasulallah » Qu'est-ce qui s'est levé? Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh s'est levé et a dit « Je m'en occupe au messager d'Allah ». Elle est là la preuve. C'est que Sa'd ibn Mu'adh était vivant au moment de Hadithatul Ifk. Sa'd ibn Mu'adh était vivant au moment de Hadithatul Ifk. Et Sa'd ibn Mu'adh est décédé des suites de la bataille de l'Ahzab. Est décédé des suites de la bataille de l'Ahzab. Donc si la ghazwa de Bani Mustaliq et si l'Ifk, tout cela avait eu lieu après la bataille de l'Ahzab, est-ce qu'on aurait cité le nom de Sa'd ibn Mu'adh dans Hadithatul Ifk? Non. C'est la preuve que ça n'a pas eu lieu en l'an 6 de l'Hégire, mais en l'an 5. Car Sa'd ibn Mu'adh était encore vivant. Et le prophète lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cela, alors qu'il était sur le minbar, c'est Sa'd ibn Mu'adh qui a répondu. Donc il est encore vivant. Sachant que Sa'd ibn Mu'adh est décédé des suites de la bataille de l'Ahzab, ou bien Bani Qurayza, si l'on veut. À la kulli hal, cela nous prouve que Ghazwat Bani Mustaliq s'est passé avant Hadithat al-Ifk et l'Ahzab. Donc, non pas l'an 6 de l'Égypte, mais plutôt en l'an 5. D'où l'importance d'étudier As-Sira et At-Tarikh, du fait que ça nous permet de savoir le vrai du faux, de savoir le plus plausible de ce qui ne l'est pas, et Mada, de pouvoir réfuter des mensonges qui peuvent être imputés à l'islam ou bien aux musulmans de manière générale. Et en quoi cela yani, pousse à dire que c'est en l'an 5 après ce qu'on a expliqué, c'est qu'ils sont tous d'accord pour dire que Hadithatul Ifk a lieu après Ghazwat Bani Mustaliq. Ils sont tous d'accord pour dire que Hadithatul Ifk a lieu après Ghazwat Bani Mustaliq. En unissant toutes ces informations, on peut dire que cette bataille a eu lieu, ou bien cette Ghazwa, cette expédition a eu lieu en l'an 5. Comment s'est déroulée cette expédition? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec 700 parmi ses compagnons. Il est sorti avec 700 personnes parmi ses compagnons et une trentaine de chevaux. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim nous racontent Ghazwat Bani Mustaliq de manière résumée. D'autres, non pas avec cette authenticité, ont détaillé Ghazwat Bani Mustaliq. Donc ces gens s'étaient réunis et qui préparaient une armée afin d'attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah a déjoué leur plan et a yani wa makaru wa makar Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ghar alayhi wa hum gharroun. Dans le recueil d'Imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala et muslim, on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est tombé dessus alors qu'ils étaient gharroun. Que signifie gharroun? Ay ghafiloun. Ils étaient distraits. À un moment, ils ne s'y attendaient pas. De bonne heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avec l'armée, na'am, chez Bani Mustaliq. Alors qu'ils étaient, yani c'était très tôt, et ils étaient distraits, ne s'y attendaient pas. Leur bétail était en train de s'abreuver. Il a donc maîtrisé leurs hommes et s'en est débarrassé. Il a pris en maza, en otage leur maza, les autres. Et parmi ceux qui ont été capturés à ce moment-là, il y a eu une femme qui se prénomme Juwayriya. Une femme qui se prénomme Juwayriya. Et c'était la fille de leur chef, qui se prénomme, comme on l'a dit plus tôt, Al-Harith ibn Abi Dirar. Al-Harith ibn Abi Dirar. Donc Juwayriya, radiallahu anha, faisait partie des captifs. Puis ils sont revenus à Al-Madina. Et lors de la répartition des biens, et lorsqu'on attribue à chacun une part, Thabit ibn Qais ibn Shammas, le sahabi connu, radiallahu anhu, de par quelle histoire il est connu auprès de nous, entre autres? De par quel verset, de par quelle réaction qui nous montre la grande crainte qu'il avait d'Allah Azza wa Jal et de l'annulation des actes? Non. جزاك الله خيرا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de celles du prophète. Quelle pourrait être la punition et le résultat de cela? أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. De peur de voir vos actions annulées alors que vous ne vous en rendez pas compte. Lorsque ce verset a été révélé et qu'il est parvenu à Thabit ibn Qais, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté chez lui et il pleurait chaque jour. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de ses nouvelles, un parmi les sahaba a dit: je vais m'enquérir de cela. Puis il est parti voir Thabit, il l'a trouvé chez lui. Il l'a trouvé chez lui, en train de pleurer. Il lui a dit: que t'arrive-t-il? Il lui a dit mes actions sont vaines. Mes actions ont été annulées. Pourquoi cela? Il a cité le verset, il a dit: je suis l'un de ceux qui a la voix la plus portante parmi vous. Il avait une voix, na'am, très portante. Alors le sahabi a transmis cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il reste chez lui, il pleure et il dit: mes actions sont vaines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mais non, informez-le que ses actions ne sont pas vaines et qu'il ne fait pas partie des habitants du feu, mais il fait plutôt partie des habitants du paradis. Thabit ibn Qais radiallahu anhu a une peur qui est une peur connue chez les pieux prédécesseurs. La peur de voir ses actions annulées. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, a une risala qui se nomme Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih. Nos obligations, ou ce qui nous incombe envers ce qu'Allah nous a commandé. nous a ordonné. Donc tu dois, lorsqu'on te donne un ordre religieux, tu dois avoir la connaissance. Pour pouvoir l'appliquer, tu dois connaître cette chose. Non. Tu dois être déterminé pour la faire. Tu dois la faire en accord avec le Coran et la Sunna, en conformité avec la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Non. Mais il y a un point duquel, pour beaucoup, on est distrait. C'est qu'après l'avoir fait avec sincérité, en conformité sur la Sunna, après avoir fait les efforts pour le mettre en pratique, on oublie ce point-là. Quel est ce point? C'est qu'après, tu dois avoir peur qu'on t'annule tes actions. C'est-à-dire, après l'avoir fait, tu ne dois pas te sentir à l'abri et sentir que tu as mis tes pieds au paradis. Mais tu dois vivre le reste de ta vie en demandant à Allah d'accepter ton action et en demandant à Allah de préserver tes actions et en ayant peur de commettre une action ou de dire une parole ou de tomber dans une croyance qui annule ton tawhid, qui annule ton islam, qui annule tes actions. Wal'iyadu billah. Thabit ibn Qays a eu cette qualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il faisait partie des gens du paradis. Et inda ahli sunnati wal jama'a, tu ne peux dire d'une personne par son nom, une personne précise, qu'elle fait partie des gens du paradis, sauf s'il y a une preuve. Sauf s'il y a une preuve du Coran ou de la sunna. On est dit de personne qu'il va au paradis ou en enfer, sauf s'il y a une preuve du Coran et de la sunna. Avec le tafsir qu'on trouve dans les livres de Aqidah, comme dans le charh de Aqidah al-Tahawiyya et d'autres. Quelle fut la position de Banu Mustaliq? Et qu'ont-ils fait lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu? Si on se souvient, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait et qu'est-ce qu'il préparait? Il réunissait les hommes, il réunissait les armes, il disait on va faire, on va faire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu, ils n'ont pas bougé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu, ils ont été effrayés, apeurés, et ils n'ont rien mis en pratique de ce qu'ils avaient prévu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, alimun hakim, et Allah est savant de tout ce que préparent ceux qui veulent le mal. Allah azza wa jalla est savant de tout ce que préparent les gens qui veulent le mal aux innocents. Et si les gens ne sont pas informés, le Seigneur des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, est parfaitement connaisseur. Et il décrète les causes, et il décrète les causes qui font que celui qui est sur la vérité est élevé et anobli, tôt ou tard, sur la terre ou sous la terre. Tout comme il décrète les causes qui font que celui qui est injuste, et celui qui triche, et celui qui nuit et opprime, est humilié. Est humilié. Illa an yatuba ila Allah, sauf s'il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut le voir de manière claire ou on peut ne pas le voir. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que Vali, l'injuste, il est humilié. Et ne pense pas que le fait que tu le vois faire, ça veut dire qu'Allah azza wa jalla est distrait de son affaire. Jamais. Allah nous dit en Coran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Il ne pense pas qu'Allah soit distrait de ce que font les injustes. Mais il ne fait que repousser leur délai pour le jour où les regards seront bouleversés. Les savants nous disent, il y a une tranquillité, un repos pour toute personne opprimée dans ce verset. C'est qu'il sait de source sûre, de manière sûre, que l'injuste tôt ou tard est humilié. Mais l'injuste tôt ou tard est humilié. Et le mazloum, celui qui est opprimé, on lui donne son haqq. À un point tel, ikhwan al-kiram, à un point tel, la justice d'Allah Azza wa Jal, à un point tel, que yom al-qiyama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le bélier cornu, va devoir recevoir un coup du bélier qui n'était pas cornu. Yani, fi dunya, tel bélier cornu a mis un coup à celui qui ne l'était pas. Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah amène ce bélier qui n'est pas cornu, on lui donne des cornes et il remet des coups à l'autre. Ça, c'est entre les béliers. Que dire alors entre ibadullah, entre les serviteurs d'Allah qui avaient la raison, qui ont lu le Coran, qui ont reçu la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont entendu le khutbah, est-ce qu'Allah azza wa jalla va être distrait de ces gens-là? Ou distrait de ceux qui ont reçu le message de l'islam? Abadan. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice, c'est les ténèbres le jour de la résurrection. Donc voici leur finalité. Ils ont comploté, ils ont réuni armes, forces, hommes, nombre, et au final ils n'ont rien pu faire. Au final, ils n'ont rien pu faire. De par les nombreuses causes et de par la maîtrise de la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Juwayriya, radiallahu anha, l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, nous raconte son histoire. Et Aïcha, radiallahu anha, nous détaille son histoire. Donc, c'est la fille du chef de Banu Mustaliq. Juwayriya est la fille du chef de Bani Mustaliq. Et par la suite, elle devint Umm al-Mu'minin. Elle est devenue la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle était dans la main de Thabit ibn Qais. Elle était aux mains de qui? De Thabit ibn Qais, radiallahu anhu. Alors, elle lui a demandé Al-Mukataba. Que signifie le Mukataba ou le Kitaba? Al-Mukataba, c'est lorsqu'il y a un prisonnier de guerre qui vient et qui demande à racheter sa liberté. Non, il fait partie des otages et il vient voir la personne et il conclut avec lui un arrangement. Je te donne telle et telle chose, ou telle et telle somme. Naam, et tu m'as franchi. Juwayriya, radiallahu anha, est venu voir Thabit ibn Qais, et s'est arrangé avec lui pour faire al-mukataba. Et ils se sont arrangés sur tel et tel bien. Et Thabit a accepté. Juwayriya est donc parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: je suis Juwayriya bintu sayyidi qawmiha al-harith ibn abi dirar wa inni iktatabtu aw wa inni talabtu al-mukataba li thabit ibn qais wa qad qabila dhalika minni. فَهَلْ تُعِينُنِي. Juwayriya est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a rappelé qui elle était. Elle lui a dit: je suis Juwayriya, la fille du chef de son peuple. Je suis la fille de l'Harith ibn Abi Dirar. C'est comme si elle lui montrait la place qu'elle a et la noblesse qu'elle a dans son peuple. Puis elle lui a dit: je suis dans les mains de Thabit ibn Qais et j'ai conclu avec lui l'arrangement de lui donner telle et telle chose, telle et telle bien, telle et telle somme, afin de pouvoir être libre. Et il accepte. Est-ce que tu peux m'aider dans cela? Donc Juwayriya a demandé l'aide du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour racheter sa liberté. Aïcha radiallahu anha raconte cette histoire et donne des détails. Qui est Aïcha pour Juwayriya? Sa co-épouse. Non. عائشة رضي الله عنها دي كانت امرأة ماذا؟ كانت امرأة ملاحة حلوة. عائشة ندي de Juwayriya, c'était une femme sublime. نعم, c'était une femme يعني dotée d'une grande beauté. Et dès que je l'ai vue, j'ai su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir d'elle. Ce que j'ai vu, je l'ai détesté. Ça veut dire quoi? Et il n'y a pas une personne qui va voir Juwayriya radiallahu anha sans souhaiter la voir en épouse. Elle a dit, lorsque je l'ai vue, j'ai su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir la même chose. Non. Alors ça lui a fait quelque chose. Soit elle a dit, alors je l'ai détesté, soit une parole yani, du genre. Alors Juwayriya radiallahu anha est venue et elle a demandé de l'aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu sa demande et l'aide qu'elle voulait, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai oublié de préciser qu'elle est entrée en islam. Juwayriya, elle s'est convertie, elle est entrée en islam. Elle est arrivée, elle lui a dit ya Rasulallah. Non. Quand elle est arrivée, elle l'a appelée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit halaki fi khayrin min dhalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne vais-je pas te proposer meilleur que cela? C'est quoi meilleur que cela? Yani, à quoi revient cela, dhalik? C'est-à-dire l'aider à payer pour sa liberté. L'aider à payer pour sa liberté. Qalat wa ma huwa. Elle a dit, qu'est-ce qui est meilleur que cela? Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, aqdi anki kitabatik wa atazawwajuki. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Je vais me charger de payer ce que tu lui dois et je t'épouserai. Voilà. Je vais me charger de payer ce que tu devais, yani al-kitab, na'am, et je t'épouserai. Min bab al-fa'ida, juste pour information, hein, on pourrait se demander quel est le lien entre al-kitab, al-mukataba, al-kitab, le livre, ainsi de suite. Parce qu'en arabe, le kaf, le ta et le ba, cette base dans le mot, quand il y a un kaf, un ba et un ta, yadullu ala al-jam'a. Ça a quelle notion, ça a quel sens? Et réunir. Ça donne quoi comme sens, réunir? Pourquoi est-ce qu'on a appelé al-kitab al-kitab? Parce qu'il réunit les mots, il réunit les pages. Na'am? Il réunit les mots, il réunit les pages. Et ainsi tous les termes où il y a un kaf, un ta et un ba. Voyez? Donc comme ici al-kitab. Comment est-ce qu'on appelle l'armée? Al-katiba. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'armée al-katiba? Parce qu'elle réunit les hommes. Elle réunit les batailles. Donc on l'a appelée al-katiba. Et beaucoup de termes comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a proposé cela. Il lui a dit, je paye ce que tu dois et je t'épouserai. فَقَبِلَتْ ذَلِكَ. Elle a accepté cela, radiallahu anha, et est devenue Ummul Mu'minin. Elle est devenue ainsi la mère des croyants. Et il s'est produit ce que craignait qui? Aïcha, à juste titre, radiallahu anha. Et les savants disent que la jalousie qu'a la femme, vouloir lui enlever, c'est de la hamaka. Lui vouloir lui enlever de manière totale, c'est de la bêtise. Et que elle l'aide de manière exagérée, c'est de la bêtise. Elle est pour dire que il y a une ghayra naturelle, c'est normal. Puis il y a celle qui exagère et celui qui veut lui enlever totalement. Ça, c'est deux extrêmes. Et il y a le juste milieu, comme on verra dans Sira à différents événements. Et en général, ces qissas-là sont avec qui? Quelle de ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam? Aïcha. Pourquoi la plupart sont avec Aïcha? Parce que c'était son épouse préférée et celle qui avait le plus de mérite après le décès de Khadija, radiallahu anha. Et la cause de la jalousie, les savants disent, Les gens de science disent que la cause de la jalousie est due au fait que la femme imagine que l'époux préfère l'autre à elle, dans une qualité ou de manière générale. Comme on le verra, ou comme on l'a vu lors de la citation de passage de la vie de Khadija, et comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la mentionnait très souvent. Naam, à un point où un jour elle a dit: je n'ai jamais été jalouse d'une femme comme j'ai été jalouse de Khadija alors qu'elle est décédée avant ma venue. Elle n'est plus de ce monde, subhanallah. De par la, tellement il l'a mentionné souvent. Du fait qu'il la mentionne souvent, pour Aïcha, c'est comme si donc il la préfère. Taïeb. Un jour, alors qu'il la mentionnait et la mentionnait et la mentionnait, elle a dit: mais tu ne cesses de mentionner cette vieille femme. Tu ne cesses de mentionner cette vieille femme, alors qu'Allah t'a remplacé par meilleur, yani par moi. Le prophète sallam s'est mis en colère et il lui a dit: jamais Allah m'a remplacé par meilleur qu'elle. D'elle j'ai eu tous mes enfants, alors qu'Allah m'a empêché d'en avoir avec d'autres. Et il a cité ses qualités, et à chaque fois qu'il la croisait, il lui disait: ne me nuis plus, en me citant Khadija en mal. Radiallahu anhuma. Malgré cela, Aïcha était la femme la plus juste, la plus droite dans l'éloge qu'elle faisait à ses sawahib. Naam, elle a fait ici l'éloge de Juwayriya en disant qu'elle a été sublime. Et on verra dans d'autres textes dans Sirah qu'elle disait qu'une telle, celle qui fait le mieux à manger, une telle la plus pieuse, une telle, celle qui me faisait le plus de concurrence. Wahakada. Juwayriya, radiallahu anha, est donc devenue la mère des croyants. À ce même instant, où sont les gens de Banu Mustalik? Ils sont captifs. Donc, l'information du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Juwayriya est sortie à l'extérieur. Les croyants ont su qu'ils avaient comme captifs. Comment est-ce qu'on dit ça? Al-Musahara, l'alliance. Quand un tel c'est son beau-frère, un tel c'est. Quel est le terme, subhanallah? Ils ont su qu'ils avaient parmi leurs captifs des gens de la belle famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont pas agréé cela. Ils n'ont pas aimé avoir dans leurs captifs des gens de la belle famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de la tribu de son épouse Juwayriya. C'est pour cela que Aïcha nous dit: nous n'avons jamais vu une femme avoir plus de baraka sur son peuple que Juwayriya. Jamais nous n'avons vu une femme plus mubaraka pour son peuple que Juwayriya. Pourquoi cela? On nous raconte la suite. Lorsqu'ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait épousé, plus de 100 maisons de l'Médina ont affranchi les gens de Bani Mustalik. Ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé. Donc, eux avaient en captif des gens de la belle famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas voulu cela. Ils les ont affranchis. Une centaine de personnes. Une centaine de maisons. Puis elle a dit, radiallahu anha, فَلَا أَعْلَمُ مَرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مَاذَا مِنْهَا عَلَى قَوْمِهَا. Je n'ai jamais vu, nous n'avons jamais vu une femme plus bénie pour son peuple. Subhanallah. Elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a fait sortir toutes les personnes de son peuple de Riq, ici, chez Mada, les gens de Médina. Elle a de nombreux mérites. On va s'arrêter juste sur un seul. C'est que, comme le rappelle Mada, j'ai oublié si c'est l'imam muslim ou l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhima, probablement l'imam muslim, il nous cite un hadith. C'est qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour salat al-fajr. Et Juwayriya a prié salat al-fajr donc chez elle. Elle est restée à sa place. Après chez elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui khayru salat al-mar'ati salatuha fi baytiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la meilleure prière de la femme, c'est la prière faite chez elle. C'est la prière faite chez elle. Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, et lorsqu'il sortait, il faisait salat. Il rentrait dans le masjid, il faisait salat. As-sunnah, c'est de faire as-sunnah chez soi. Pour celui qui habite proche de la mosquée, il peut faire, yani, il y a l'adhan, ensuite il fait sunnatul fajr chez lui. Na'am, une sunnah aussi, il s'allonge sur le côté droit. Ça, c'est une sunnah chez soi. C'est une sunnah chez soi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sunnatul fajr chez lui, après l'adhan bien sûr. Puis il s'allongeait, puis il sortait, et lorsque sahaba le voyait, quand les sahaba le voyaient entrer ou à la place de l'imam, il se levait. Pas comme on fait nous ici. Pas comme nous faisons nous ici. Na'am. Yani, 50 personnes se lèvent à la venue de l'imam. Non. Suite à quoi? Dans beaucoup de mosquées maintenant, les gens se lèvent et khalaf as-sunnah en se levant. Tu peux trouver, yani, dans un rang, il y a combien de personnes ici? Une trentaine. Nah, tu vas trouver une vingtaine qui se lève. Suite à quel événement? Al-Iqama, la vision de l'imam? Non. Suite à quelle chose? Lorsque Mada s'arrête de clignoter. Nah, lorsque s'arrête de clignoter, les gens se lèvent. Ça, c'est mukhalaf al-sunnah. Ça, c'est une contradiction avec al-sunnah. Al-sunnah, comme le disent les ulama, c'est de se lever à la vue de l'imam. Allez, lorsqu'il vient pour présider la salat, ou bien d'autres disent lorsque tu entends al-iqama, d'autres disent lorsque tu entends al-iqamat al-salah, mais ça c'est dans le cas où tu ne vois pas l'imam. Ça c'est dans le cas où tu ne vois pas l'imam. Si tu vois l'imam lorsqu'il vient, tu peux te lever. Si tu ne vois pas l'imam, du fait que c'est grand ou du fait qu'il y a plusieurs rangs ou autre, alors à l'entente du début de al-iqama. Naam. Mais comment nous est-ce qu'on pourrait voir l'imam alors qu'on est tous debout? L'imam ne peut même pas passer mon kin. Taïb, se peut qu'il ne puisse pas passer. Donc la sunnah, c'est lorsque tu vois l'imam, tu te lèves. Ou lorsque tu entends l'iqama, si tu ne vois pas l'imam, tu te lèves. Taïb. Juwayriya était chez elle. Elle a prié salatul fajr. Elle était assise. Wa kanat tusabbih. Ça veut dire quoi, kanat tusabbih? Hein? Elle faisait du zikr. Elle était assise à sa place après sa salat, et elle faisait du zikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en revenant de la mosquée le matin, il l'a trouvée assise à sa place, et elle faisait encore du zikr. Il lui a dit, mazilti fil makani hadha? Il lui a dit, tu n'as pas arrêté de faire du zikr et de rester à ta place depuis ma sortie? Elle lui a dit oui. Puis il lui a enseigné une sunnah min adhkari as-sabah. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith concernant Juwayriya? Que c'était une abida, que c'était une femme très pieuse et une femme qui mentionnait beaucoup Allah Azza wa Jal et une femme qui avait des ibadat radiallahu anha. Na'am. Celle qui reste dans son foyer. Le but, c'est pas de rester dans son foyer en soi pour rester dans son foyer, quitte à s'occuper dans le mal. Non. Mais c'est d'occuper son temps par ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran, wa dhakirin Allah kathira wa dhakirat. Lorsqu'Allah azza wa jalla a fait les éloges de ceux qui font beaucoup de dhikr, il a cité par la suite celle, et les femmes qui font beaucoup de dhikr. Et Mada, il lui a donc appris une sunnah en lui disant que de dire ces paroles-là, et yani sera meilleur, ou bien c'est meilleur que tout ce qu'elle a dit durant ses heures. Que tout ce qu'elle a dit durant ses heures. Naam. Et la dua, c'est Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Naam. Ça, c'est une version du hadith. Une autre version du hadith, c'est de dire trois fois. la première parole, trois fois la deuxième parole, trois fois la, deuxième, la troisième parole. نكتفي بهذا ونقرأ شيئا من كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الجواب الكافي لمن سأل عن الداء الشافي أو الداء والدواء. Continuera إن شاء الله تعالى pas la semaine prochaine mais celle d'après. Donc il n'y aura pas cours la le vendredi prochain, il n'y aura pas cours et je ne ferai pas el khutba exceptionnellement. Alhamdulillah. Wa ba'd. Il y a de cela quelque temps, nous avions commencé la lecture du livre. C'est donc une personne qui a questionné Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et lui a dit qu'il tombe dans des péchés, qu'il s'en repent, mais il retombe dedans et il demande donc le remède. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala lui a expliqué que chaque maladie a son remède et qu'Allah azza wa jalla n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il n'y ait avec son remède. Mais il nous faut revenir au connaisseur. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous a montré que la meilleure guérison c'est le Coran, le Ruqya. Allah Azza wa Jalla nous enseigne dans le Coran que c'est une guérison. On a zélu min al-Qur'an ma huwa shifa wa rahma lil mu'minin. Puis nous avons parlé de ad-du'a, un des plus grands remèdes, ad-du'a, et que c'est profitable dans toute situation et pour toute chose et que c'est le, également le meilleur des remèdes. Puis de la manière de faire ad-du'a, et nous allons citer certains moments propice à ad-du'a et certains comportements. Quant au moment, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ثلث الآخر من الليل, dernier tiers de la nuit, وعند الأذان, au moment du أذان, وبين الأذان والإقامة, entre l'أذان et l'إقامة, aussi le jour du Jumu'ah. Il y a un moment particulier où ad-du'a est accepté. Il y a un passage magnifique dans lequel Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que ad-du'a sera exaucé particulièrement si tu te trouves dans cet état-là. Il dit la sadafa khushu'an fi al-qalb wa inkisaran bayna yaday ar-rabb وذلا له وتضرعا ورقة ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على الطهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله ولح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه الصدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إذا صدف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. ابن القيم رحمه الله تعالى ندي certaines situations, certaines personnes se retrouvent à faire dua d'une manière telle, dans un état du cœur tel, qu'Allah Azza wa Jalla ne rejette jamais cette dua. Et il nous dit que la personne a un cœur humilié, fragmenté devant son Seigneur. Et son cœur est doux, malléable. Celui qui fait dua, cette personne-là, se dirige en direction de la Qibla. Il a el wudu, il lève ses mains. Et il ne s'empresse pas de demander. Mais d'abord, il fait les éloges d'Allah. D'abord, il mentionne la perfection d'Allah. Puis, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et messager, serviteur et messager d'Allah. Puis, avant de demander, il se repent de ses péchés. Et il demande pardon à Allah pour ses fautes. Ensuite seulement il rentre chez Allah. Et il lui demande. Et lorsqu'il lui demande, il répète sa demande. Et réitère sa demande. Et encore, et encore. Il ne demande pas une fois. Non, il demande. Et il répète, et il répète, et il répète ce qu'on appelle al-ilhah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit aussi, il invoque avec espoir, avec désir et avec crainte. Et il espère qu'on lui donne et il craint qu'on ne lui donne pas. Il espère en Allah et il craint Allah également. Aussi dans son dua, il mentionne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont un rapport avec sa demande, c'est-à-dire ce qu'on appelle dua al-mas'ala. Aussi, il mentionne al-tawhid, soit kalimatu al-tawhid, la ilaha illallah, ou il mentionne al-tawhid. Et il fait des sadaqat. Et avant de faire dua, il fait une aumône. Ibn al-Qayyim nous dit, voyez-vous cette dua, Allah ne la rejette pas. Celui qui fait dua et qui est dans cet état, Allah ne le rejettera pas. Plus encore, si ce qu'il dit, ou la dua, fait partie des invocations que prononçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus encore, il nous dit ou si son invocation renferme le plus grand des noms d'Allah, celui par lequel lorsqu'on lui demande, il donne. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite des hadiths. Il nous dit que Ibn Hibban nous cite le hadith d'Abdullah ibn Buraydah an Abi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل بأعطى وإذا دعي بأجاب وفي لفظ لقد سأل الله باسمه الأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم a entendu un homme faire dua. Cet homme disait, « Oh Allah, je te demande du fait que je témoigne que tu es Allah, celui en dehors duquel il n'y a point de divinité digne d'être adoré, l'unique, le seul qui mérite qu'on se dirige vers lui dans toutes nos affaires, car il a la perfection, celui qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté, et qui n'a nul égal. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu cela, a dit, « Il a certes demandé à Allah par le nom celui qui, lorsqu'on lui demande par celui-là, il accepte, il exauce, il donne. Et lorsqu'on l'invoque par celui-ci, il répond. Et dans une autre version, il lui a certes demandé par son nom le plus immense. Par son nom le plus immense. Dans un autre hadith, aussi dans le recueil d'Ibn Hibban, le hadith d'Anas ibn Malik, toujours dans le même contexte, أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي. أنس بن مالك un jour étant en compagnie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم assis et il y avait un homme qui priait, puis il a fait دعاء en disant اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم عفوا لقد دعا الله باسمه العظيم الذي دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده رحمه الله. Ce deuxième hadith, dans ce deuxième hadith, l'homme qui a fait dua a dit, oh Allah, je te demande, car à toi revient les louanges ou la louange. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors de toi. Al-Mannan, celui qui a créé sans exemple au préalable les cieux et la terre, Ya Dhal Jalali wal Ikram. Ô toi le vivant, ô toi celui qui subsiste par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il a dit, il a certes invoqué Allah par son immense nom, celui qui lorsqu'on lui demande par celui-ci, il répond. Et lorsqu'on lui demande par celui-ci, Mada, il donne. Un autre hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, son Asma bint Yazid, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme Asma bint Yazid rapporte, que le nom, le plus grand nom d'Allah est dans ces deux versets. Donc le verset 163 de l'Baqarah, et votre divinité une divinité unique, une divinité n'est digne d'être adorée excepté lui, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Et dans l'ouverture de Ali Imran, donc le début, Alif Lamim, Allah, nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister. Les savants ont divergé sur Ismullah al-A'zam. Mais un des avis les plus forts retenus par beaucoup de savants est que c'est Allah. C'est Allah. Quelle est la preuve de cela? C'est qu'en réunissant les différents ahadiths qui nous parlent du plus grand nom d'Allah Azza wa Jal, celui qui revient dans chacun de ces ahadiths, c'est Allah. Na'am. Sachez cela. Sachez également que beaucoup parmi les savants, les pieux prédécesseurs et les contemporains, disait que c'était aussi Al-Hayyul Qayyum. Que c'était Al-Hayyul Qayyum. Na'am. Et d'autres ont apporté d'autres avis. Ok, en soit, les savants divergent. Un des avis les plus forts est Allah. De dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les comportements, lorsque tu fais Ad-Dua, c'est de beaucoup faire les éloges d'Allah et mentionner ses noms et ses attributs. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Abu Huraira, dans lequel il y a même Ahmed, Al-Hakim et d'autres, ce hadith est rapporté par plusieurs parmi les sahabes, Anas ibn Malik, Abu Huraira et d'autres, Al-Izzu biyad al-jalali wal-ikram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de nous accrocher à cet éloge fait à Allah azza wa jal lorsqu'on lui demande. Lorsqu'on lui demande, et on recherche un bien auprès de lui. Et dans un autre hadith, je saute, il y a certains hadiths qui ne sont pas authentiques, comme le dit l'imam al-Albani et d'autres. وفي أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était touché par une affliction ou une chose, il invoquait Allah en ces termes: Ya Hayyu Ya Qayyum, ô toi le vivant, ô toi celui qui subsiste par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister, je cherche le secours auprès de ta miséricorde. Et dans le recueil d'Al-Hakim, selon Abi Umama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ismullah al-A'zam fi thalathi suwar min al-Qur'an » Le nom d'Allah le plus grand est dans trois suwars du Qur'an. Al-Baqarah, Al-Imran et Taha. « Qala al-Qasim fa'al-tamastuha fa'idha hiya aya al-hayyu al-qayyum » L'un des savants a dit « Je l'ai cherché et j'ai trouvé que c'était al-hayyu al-qayyum » Donc on voit que ça, c'est un des avis chez les savants. Non. Aussi dans le recueil d'Imam al-Tirmidhi, le mustadrak de l'Hakim, selon Sa'd ibn Abi Waqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Da'watu zinnu idh da'a wa huwa fi batni l'hout la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin fa innahu lam yad'u biha muslimun fi shayin qat illa stajab Allahu lah. » Une autre cause pour se voir exaucer ces invocations, quand on fait du'a, on a vu donc Ya Hayyu Ya Qayyum, nous avons vu Ya Dhal Jalali wal Ikram, le fait de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam, et ainsi de suite. Ici, le fait de dire La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit c'est l'invocation de l'homme au poisson, c'est-à-dire le prophète Yunus ibn Matta, alayhi salam, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, il a invoqué Allah en ces termes. Il a dit La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimi. Fastajabna lah. Allah Azza wa Jal lui a répondu et l'a sauvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il n'y a pas un musulman qui invoquera Allah dans une chose sans qu'Allah ne lui réponde. Il n'y a pas un musulman qui va utiliser cette dua pour faire sa demande à Allah Azza wa Jal sans qu'Allah ne lui donne. Et dans un autre hadith, le sahabi a dit « Ne vais-je pas vous informer d'une chose, si vous la prononcez lors d'une difficulté, Allah vous délivrera. » Et il a cité la même parole « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. » Et dans le recueil de Bukhari Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était touché par une tristesse ou autre, il disait La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. Et dans le musnad de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, La ilaha illallah al-halim al-karim, subhanallah wa tabarakallah rabbul arsh al-azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Et la célèbre dua dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il n'y a pas une personne qui est touchée par une tristesse ou un chagrin, puis qui dit Allahumma inni abduka ibn abdika ibn amatik nasiyati biyadik ma'adhin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammayta bi nafsaka wa alamta huwa ahadan min khalqik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت بي في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا تاب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل أو فرجا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. Dans ce hadith rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit toute personne qui prononce ces paroles-là, Allah azza wa jal enlèvera sa tristesse et ses soucis et remplacera cela par la joie. C'est le fait de dire « Oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton servant, fils de ta servante, mon toupet est dans ta main, ton jugement est ancien sur moi et juste, je te demande par tout nom que tu possèdes, ou par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as gardé secret dans ta science auprès de toi, de faire du Qur'an le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, dissipation de mes soucis et tristesses. Celui qui dit cela, Allah Azza wa Jal, dissipera ses soucis et ses tristesses, et remplacera à la place de cela, et en y part, le remplacera par un secours ou bien par une joie. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a mis un chapitre Sidqul lujou' ila Allah, le fait d'être véridique et sincère lorsque on se dirige, ou plutôt lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Aktafi bihada wa sallillahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu subhanahu wa ta'ala ay wafiqana ila kulli khayr. ويهدينا أجمعين صراطا مستقيم بناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك